ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Mary Ritter Hamilton, une peintre canadienne sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Elle est restée en France jusqu'en 1925. Elle a passé quelques périodes de temps à l'hôpital. Elle n'allait pas bien. Elle a peint beaucoup de cimetières pour que les familles comprennent à quoi ressemblaient les paysages dans lesquels reposaient leurs fils. Elle disait, « J'ai besoin de vivre comme eux. » C'est Sarah McKinnon, autrice d'un livre sur Mary Ritter Hamilton que vous venez d'entendre dans cet extrait tiré d'un documentaire justement consacré à la peintre canadienne. Entre 1919 et 1922, Mary Ritter Hamilton va peindre plus de 300 toiles sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Avec ces toiles, Hamilton veut témoigner de la dure réalité qu'ont vécu les Canadiens qui ont combattu durant la Grande Guerre de 14-18, de même qu'elle veut saluer leur courage. Immortaliser les atrocités de la guerre n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à l'œuvre d'une vie. Pourtant, c'est ce qu'a fait Mary Ritter Hamilton, une peintre canadienne qui a passé de nombreuses années à représenter les horreurs de la guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, elle tente de partir en Europe en tant qu'artiste de guerre. Mais ce n'est qu'en 1919, 6 mois après la signature de l'armistice, qu'elle obtient toutes les permissions nécessaires pour pouvoir y aller. Elle est envoyée par l'Association des amputés de guerre de la Colombie-Britannique, qui va bientôt devenir l'Association des amputés de guerre du Canada. Elle va séjourner en France et en Belgique de 1919 à 1922. Elle est déterminée à montrer les ravages que provoque une guerre et le territoire français va lui permettre de représenter ses ravages. Ce sont plus de 300 représentations de champs de bataille, de ruines, d'atrocités de la guerre que va peindre Mary Ritter Hamilton. L'historien Laurent Turcot, dans l'une des capsules de la série « Les Canadiens face aux guerres mondiales », une série produite par TV5 Uni, pour nous présenter la peintre canadienne Mary Ritter Hamilton. Je reçois Mélanie Morin-Pelletier, qui est historienne au Musée canadien de la guerre à Ottawa. Mélanie Morin-Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors, parlons de cette histoire assez singulière de Mary Ritter Hamilton, une histoire qu'on a un peu oubliée, Mélanie Morin-Pelletier. Pourquoi, dans la mesure où cette peintre-là est une peintre importante, quelle importance elle a eue et pourquoi on a oublié son histoire? C'est une bien bonne question. En effet, pour moi, Mary Ritter Hamilton, c'est la première femme peintre sur les champs de bataille, la première Canadienne, mais ce n'est pas une peintre de guerre officielle. Donc, elle n'a pas eu la même notoriété que des artistes comme Frederick Varley, comme A.Y. Jackson, mais son travail est extrêmement important et je pense que la façon dont sa vie s'est poursuivie à son retour dans la maladie physique, la maladie mentale, la pauvreté, ça va expliquer beaucoup pourquoi pendant des années, mais des décennies, on n'entend plus parler d'elle. Mais heureusement, depuis quelques années, elle fait un retour dans plusieurs ouvrages et Timbre Poste, par exemple. Donc, on apprend à mieux la connaître. Oui, on l'a réhabilitée, heureusement. Mais c'est intéressant, hein? On n'en sort jamais. Effectivement, c'est pas une peintre officielle, comme vous le disiez. Ça fait partie du fait qu'on l'a un peu oubliée. Puis, au fond, ça fait partie de ton histoire, puis on en parlera dans quelques minutes. Mais elle ne peut pas, elle veut, dès le début de la Grande Guerre de 14-18, se rendre sur les champs de bataille. Mais comme c'est une femme, on lui interdit, c'est après la guerre. Mais ça fait partie de son histoire, de son parcours. C'est après la guerre qu'elle pourra faire son travail de peintre sur ces champs de bataille. Un petit mot quand même avant d'arriver à ce travail qu'elle va faire en France et en Belgique après la guerre. Un mot sur ses années de jeunesse, sur ses années de formation, sur la carrière aussi, déjà importante qu'elle va avoir au tournant du 20e siècle. Elle est connue en Europe là, avant le déclenchement de la Grande Guerre de 14-18. En effet, elle a déjà atteint une certaine notoriété avant de revenir. Elle n'est de retour au Canada qu'en 1911. Donc, si on veut retourner à sa jeunesse, sa vie est marquée par le drame, puis ça va définitivement en faire la personne et l'artiste qu'elle est. Elle était vouée probablement à une vie de femme plus ordinaire du début des années 1900. Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Mais elle a connu des moments très difficiles. Elle a donné naissance à un fils mort-né en 1892 et l'année suivante, son mari meurt à l'âge de 30 ans. Donc, elle n'a que 25 ans. Elle passe à travers toutes ces épreuves. Et c'est à ce moment-là, elle avait eu... Déjà dans son adolescence, elle était attirée par les arts, mais elle n'avait pas eu de formation officielle. Et c'est là qu'elle prend l'argent qui lui est dû suite au décès de son mari et qu'elle décide qu'elle va devenir artiste et qu'elle va donc se former. Et elle part étudier en Europe. Absolument. De 1901 jusqu'à 1911, elle se forme à Berlin, à Paris. Elle va même exposer au Salon de Paris. Donc, elle a des critiques très bonnes, là, autant en France qu'en Grande-Bretagne. Puis, ces critiques-là sont reprises au Canada. Donc, on commence à parler d'elle au pays. Elle décide de revenir en 1911, donc avec à peu près 150 œuvres qui ont été faites pendant son séjour outre-mer. Mais donc, elle s'installe à Winnipeg et elle commence son travail là, quand la guerre éclate. Donc, on la connaît déjà, mais elle n'a pas la même notoriété qu'elle avait à l'Europe à ce moment-là. Oui. Mais quand même, ses œuvres circulent au Canada, les journaux parlent d'elle, les politiciens s'intéressent à elle aussi. Oh, vous avez complètement raison. En fait, elle fait une tournée pan-canadienne. Elle va rencontrer nouveau premier ministre à l'époque, Borden, sa femme qui lui achète une œuvre. Le gouverneur général et sa femme lui achètent des œuvres aussi. Et ils vont continuer à supporter sa tournée, là. Donc, elle se fait des contacts qui vont être très importants pour le reste de notre histoire. Oui. Et puis, arrive la guerre. Elle veut, Mary Ritter Hamilton, partir au front. Dès le début de la guerre, l'intérêt, il est là pour documenter ce conflit qui va faire énormément de morts. Des Canadiens vont participer au combat. Beaucoup de Canadiens vont mourir dans cette grande guerre de 14-18, mais on l'empêche d'y aller. Parlez-moi de cette période-là, la période de la Première Guerre mondiale. Comment elle vit ces quatre longues années où elle veut partir, mais elle ne peut pas partir? Oui, c'est une période extrêmement difficile pour elle parce que, bien entendu, ne voyage pas qui veut en temps de guerre. Elle va tout essayer. Bien, premièrement, elle va essayer d'y aller comme artiste de guerre parce que, comme on sait, il y a Max Atkin, le futur Lord Beaverbrook, qui va mettre en place un programme d'artiste de guerre à partir de 1916. Et donc, il y a une centaine d'artistes quand même qui vont être employés à travers ce programme. Très peu de femmes, cependant, et les femmes ne sont employées que pour peindre des scènes de guerre au Canada. Donc, il n'y a pas de femmes canadiennes qui sont envoyées outre-mer. Par contre, Mary Ritter Hamilton, pendant sa tournée de 1911, on sait qu'elle a rencontré un personnage très important qui était Sir Edmund Walker, qui était le président du conseil d'administration de ce qui est aujourd'hui le Musée des Beaux-Arts, et qui va être le conseiller de Sir Atkin au Canada pour choisir les peintres de guerre. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on sait que M. Walker, ce n'est pas un fan de Mary Ritter Hamilton. Donc, on sait dans la correspondance que quand Mary Ritter Hamilton fait son application pour être artiste de guerre, Atkin va demander conseil donc à M. Walker qui lui dit, premièrement, qu'il remet en question l'idée d'envoyer une femme comme artiste de guerre outre-mer, mais aussi qui dit que, en fait, selon lui, Ritter Hamilton n'est pas une bonne candidate parce qu'elle a trop de caractère, et qu'elle n'est pas suffisamment docile pour représenter le Canada outre-mer. Donc, ça va nuire beaucoup à Rita Hamilton jusqu'à la mort même de Walker en 1924. Là. Donc, ah oui. Plus tard aussi, elle aura toujours de la difficulté dans ses relations avec le Musée des Beaux-Arts. Oui. Mais elle réussit quand même, une fois la guerre terminée, elle réussit quand même à partir en 1919, après donc la fin de la guerre. Elle part en Europe pour peindre les champs de bataille sur lesquels se sont battus les Canadiens. C'est ce qu'elle voulait faire depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Pourquoi c'est important pour elle de partir comme ça sur ces champs de bataille en France, en Belgique, chevalet en main? Parce que c'est ça qu'elle va faire. Elle se déplace sur les champs de bataille avec son chevalet, ses pinceaux, ses toiles. Absolument. En fait, en s'installant à Vancouver en 1917, elle va faire la rencontre de Alex Payton, qui est un ancien combattant, qui est blessé et qui revient donc avant la fin de la guerre et qui va fonder, avec d'autres gens bien entendu, l'Association des amputés de guerre de la Colombie-Britannique. Et il va avoir une revue associée à ce club d'anciens combattants. Donc, Payton va faciliter le départ de Mary Rita Hamilton pour les champs de bataille. Donc, en faisant une commande, elle va peindre les champs de bataille pour un numéro spécial de la revue des anciens combattants, ou des amputés de guerre, devrais-je dire. Ouais. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle va réussir à partir pour l'Europe au printemps 1919. Dans toute la correspondance, tout ce que Mary Rita Hamilton a laissé, c'est vraiment évident que pour elle, c'est une mission de vie. Donc, elle veut aller peindre les champs de bataille où les Canadiens ont combattu, où les Canadiens sont morts. Elle dit aussi qu'elle espère que ses œuvres vont servir aux familles des hommes qui sont morts. Et elle espère aussi que pour certaines familles, ça va leur permettre de voir le lieu où leurs proches sont décédés à des centaines de milliers de kilomètres de la maison. Oui. En voyant les champs de bataille sur lesquels ils ont combattu, ou même, parce qu'elle va peindre aussi beaucoup de cimetières, en voyant où ces soldats reposent, en fait, où ils ont été enterrés. Et ça va donner des toiles assez fantastiques à regarder. C'est vraiment... Il y a une qualité artistique nette dans le travail que va faire Mary Rita Hamilton sur les champs de bataille de France et de Belgique. Parlons justement un petit peu de l'artiste qu'elle est. Avant de le faire ensemble, Mélanie Morin-Pelletier, je vous propose d'écouter Irene Gemmell, qui est professeure de littérature à l'Université Ryerson de Toronto, dans une entrevue qu'elle donne à la chaîne publique ontarienne TVO en 2014. Describe her work for us. Parlez-nous de son travail. Quel genre de peintre était-elle? How would you describe her as a painter? As a painter, she came out of that sort of post-impressionistic tradition. Elle est issue d'une tradition post-impressionniste. Elle avait une très bonne réputation de coloriste. Elle utilisait les couleurs de manière très particulière. Elle broyait ses propres pigments. Cette finesse transparaît clairement dans ses toiles post-impressionnistes. Mais dès qu'elle arrive sur les champs de bataille, tout change radicalement, comme si le fait de marcher sur les champs de bataille changeait son regard sur le monde et lui donnait un nouveau style. Mary stepped onto the battlefield and had a new style. Looking at what she saw kind of really gave her a new way of looking at the world. And what I find fascinating in the painting... Ce que je trouve fascinant dans ces tableaux, c'est qu'elle trouve moyen de nous amener au plus près du sol et des tranchées, là où se trouvaient les soldats et là où plusieurs d'entre eux ont été enterrés. C'était une guerre d'usure où les soldats vivaient presque dans la clandestinité. Ils ne pouvaient sortir et risquer de se faire voir sous peine d'être abattus. Mary s'est installée à ces mêmes endroits et elle a produit un travail magnifique qui illumine de par son utilisation des couleurs et des contrastes. At the same time that she also produces a work that is beautiful, that kind of shines with its use of colors and contrasts and so forth. Alors, à quoi vont donc ressembler très concrètement les tableaux que peint Mary Rita Hamilton dans cette série qu'elle consacre aux champs de bataille de la Première Guerre mondiale, Mélanie Morin-Pelletier? C'était d'abord extrêmement important pour elle d'aller outre-mer avant que le travail de reconstruction soit entamé. Donc, c'est pour ça qu'elle veut y aller le plus rapidement possible. Oui. Donc, on voit beaucoup dans ses tableaux. D'abord, elle s'installe dans la région d'Arras, donc près de Vimy. On voit beaucoup des ruines, de la destruction. On sait que trois quarts des bâtiments d'Arras ont été détruits, donc elle le montre bien dans ses peintures. Sur les champs de bataille aussi, c'est important pour elle de montrer les endroits qui font déjà partie de l'imaginaire collectif canadien, comme Vimy. Elle va aussi aller peindre à Ypres, en Belgique. Elle va aller à Courcelette, donc sur les champs de bataille de la Somme. Elle se déplace comme elle peut, souvent à pied. Au début, sa situation était un peu meilleure parce qu'elle, pendant 6 semaines, elle a la possibilité de vivre avec des troupes canadiennes qui travaillent aussi sur les champs de bataille. Mais par la suite, elle est plutôt laissée à elle-même et souvent elle vit sur les champs de bataille. Ouais. Faut pas oublier qu'elle travaille dans la France ravagée. Donc, ouais. En fait, ça va être des conditions très, très difficiles. Pendant quelques années, elle va être là à peu près 3 ans, elle va vivre dans des conditions très, très difficiles. On écoute à ce propos à nouveau Sarah McKinnon, autrice d'un livre sur Hamilton, extrait d'un balado produit par Bibliothèque et Archives Canada. She, for the most part, lived by herself out on the battlefields in abandoned huts or in... La plupart du temps, elle vit seule sur le champ de bataille dans une hutte abandonnée, une tente ou une petite cabane en bois. Elle a habituellement un chien ou deux avec elle pour la protéger. Les champs de bataille sont en cours de nettoyage et de restauration à l'époque. Alors des groupes d'hommes sont sur les lieux, il y a probablement des déserteurs. On embauche des équipes pour extraire les obus du sol, trouver les munitions inutilisées et enterrer les corps. C'est un milieu difficile pour une femme seule. Bodies to be buried. I mean, it was not a pleasant environment for a woman on her own. At times, when she first arrived, she was near a group of Canadian soldiers. Au début, elle se trouve parfois près d'un groupe de soldats canadiens qui se préparent à partir. Alors, elle a un peu de protection et de compagnie, mais ils s'en vont par la suite. Elle mentionne aussi dans ses lettres qu'elle a loué durant une brève période un logement avec une famille française. Elle revient à Paris de temps en temps pour récupérer son courrier, trouver de l'argent et acheter du matériel. Elle vit un peu comme une itinérante. De façon générale, elle mène une vie très solitaire dans des conditions difficiles. Elle raconte aussi dans ses lettres qu'elle a du mal à trouver de la nourriture, qu'elle a faim et froid. Sa vie sur les champs de bataille n'a rien de facile. There was not an easy life out there for her on the battlefields. Donc, des conditions de travail et de vie très difficiles pendant 3 ans pour Mary Ritter Hamilton sur ses champs de bataille de France et de Belgique. Concrètement, ça va ressembler à quoi ce périple-là, Mélanie Morin-Pelletier? Donc, elle vit souvent avec les réfugiés. Par exemple, à Arras, elle vit dans un grenier où il y a des trous d'obus, où elle dit que même ça serait même pas habitable pour un chien. Donc, elle vit vraiment dans des conditions difficiles. Puis souvent, elle va s'abriter sur les champs de bataille le temps qu'elle peint un endroit. Et elle va vivre comme ça pendant 2 ans, presque sans arrêt. En fait, jusqu'à temps qu'elle souffre de maladies suffisantes pour arrêter son travail. Elle dit qu'elle va continuer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire et c'est plutôt ça qui arrive. En fait, à l'été 1921, sa famille essaie de la contacter pendant des mois. Ils ont de la difficulté et c'est là qu'on réalise qu'elle souffre de problèmes de santé critiques, probablement ce qu'on pense qui était de l'anémie. Mm-hmm. Ça ressemble aussi à des symptômes de stress post-traumatique et ça commence sur les champs de bataille. Elle assiste à des explosions. Il ne faut pas oublier que c'est extrêmement dangereux encore sur les champs de bataille. C'est en reconstruction, il y a beaucoup de réfugiés, peu d'accès à de la nourriture et elle manque à partir, après 4 mois, elle dit qu'elle n'a plus d'argent pour se nourrir. Mais malgré tout, elle continue à trouver des choses, le matériel qu'elle a besoin pour peindre. Donc, elle passe définitivement son or en avant de sa santé, là, tout le temps qu'elle est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle devient, Mary Ritter Hamilton, quand elle finit par revenir au Canada? Elle termine ses peintures de guerre vers 1922, mais elle est tellement pauvre à ce moment-là qu'elle n'a même pas les sous pour revenir avec ses peintures. Donc, elle va demeurer en France jusqu'en 1925. Avant de pouvoir ramasser les sous. Et de façon ingénieuse, comme elle l'a toujours fait, elle va commencer à peindre sur des foulards de soie. En 1924, elle va trouver des personnes bien nanties à Paris, en Grande-Bretagne aussi, pour acheter ces foulards. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à amasser les sous nécessaires pour revenir avec ses peintures. Et pendant tout ce temps-là, elle refusera toujours de vendre ses peintures de guerre, même si il y aurait des acheteurs et ça lui permettrait là, donc d'avoir des sous. Elle refuse toujours de les vendre. Parce qu'il y a cette volonté, j'imagine, de... Elle destinait ces toiles-là aux Canadiens, aux familles beaucoup. J'imagine que c'est ça qui fait qu'elle ne veut pas les vendre. Parlons-en pour terminer l'émission de ce qu'ils sont devenus, ces tableaux-là. En effet, donc, à son retour au Canada, elle va se tourner vers plusieurs organisations pour voir... Elle veut vraiment déposer l'ensemble de sa collection au même endroit. Et c'est finalement ce qui est aujourd'hui Bibliothèque et Archives Canada qui vont prendre ses œuvres. On parle de plus de 220 tableaux, dessins, esquisses... Et donc, elle n'a aucune compensation financière à ce moment-là, mais tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle est extrêmement heureuse et soulagée d'avoir trouvé un lieu pour déposer ses œuvres pour la postérité. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir ces tableaux, Mélanie Morin-Pelletier? Donc, il y a eu quelques expositions qui ont eu lieu dans les dernières années. Par exemple, au Musée canadien de la guerre en 2018-2019, on a présenté une vingtaine de ces tableaux. Et il y a aussi des ouvrages qui ont paru dernièrement dans lesquels on peut voir des tableaux inédits d'ailleurs, comme l'ouvrage d'Irene Gamelle, « I Can Only Paint », où on peut voir plusieurs de ces peintures qui datent de la période d'avant la guerre et aussi de nombreuses de ces peintures de sa collection des champs de bataille. Et d'ailleurs, j'encourage, faites une petite recherche sur Internet en entrant le nom de Mary Ritter Hamilton. Vous allez voir ces tableaux qui sont très, très beaux. Mélanie Morin-Pelletier, historienne au Musée canadien de la guerre, spécialiste de la Première Guerre mondiale et historienne des femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.